Son rayon de soleil, dès 7h du matin, c'est Francky sur Radio Arc-en-Ciel. Voilà, bon dia la planète, la familia, j'espère que vous allez bien. Il est 7h du matin, en espérant que vous avez passé une agréable nuit. Côté ciel, aujourd'hui c'est encore nuageux malheureusement. La pluie fait un petit peu son apparition, avec pas mal de nuages. Et ça pour toute la semaine, les températures au lever du jour, 5 degrés. On devrait dépasser les 12-13 degrés. La journée la plus chaude, ce sera samedi, mais avec encore de la pluie. On est là pour vous réveiller jusqu'à 9h. C'est Francky dans la radio. Bon dia la planète. 96.2 FM, votre fréquence du matin, au boulot, au bahut, on vous réveille. Du matin, c'est Francky sur Radio Arc-en-Ciel. Sous le clapotis, je tente d'allumer ma clope. Voilà nos derniers mots. Toi et moi, c'est la fin. Aïe, bébé, le mal est fait. Il faut changer de tempo. Clap final, allez, bye bye. Le film est terminé, on a perdu la bataille. Même si t'étais tout pour moi. L'unique, la seule pour qui mon cœur bat. Fallait me couper plutôt que de se déchirer. Entends le tic-toc des aiguilles de l'horloge qui vient sonner. La fin du voyage de la route cherchée. Tes yeux réalisés que tout a changé. Stop, moi je m'arrête là. Refermons le bouquin, nous deux, il était une fois. Envole-toi, allez vas-y. Y'a pas de gilet pare-balles qui protège du verbe ici. Tu sais bien des malédictions. J'ai brûlé tout ce que j'avais. S'arrêter sur ce baiser salé. Je me sais bien t'es mal aidé. Préserver ma vie à jamais. C'est le pour se quitter sur ce baiser. violoncelle seul, déboussolé sonne faux. Là dans la pièce abandonnée, vide, il y a des mots. Des non-sensés, des paradoxes ou le silence. S'installe un goût amer entre la mort et l'innocence. Passer la phrase, tourner la page. Que le temps passe, combien de temps durera cet orage? Colère, haine et dépit réunis. Mais bon, voilà, ça sert à quoi lorsque tout est fini? Peine, peine, peine. De vivre, mon cœur s'est arrêté. Peine, peine, peine. On a tiré, on a visé, on s'est finalement touché. Tu me sais bien, t'es mal aidé. J'ai cumulé tout ce que j'avais. Même si tout doit s'arrêter sur ce baiser salé. Tu me sais bien, t'es mal aidé. J'ai ma vie à jamais. Si nos routes vont se quitter sur ce baiser salé. Je me suis bien très mal aidé. J'ai ma vie à jamais. Sur nos routes vont se quitter. Sur ce baiser salé. Vie à jamais. 7h06 avec Larissa, baiser salé sur la console 96 FM. Bandi à la planète, Bandi à la famille. José qui vient de se connecter. Salut Francky, belle journée à toi. Ça fait plaisir de te réécouter la radio. Et moi aussi, ça me fait plaisir de vous retrouver ce matin. Malheureusement, avec un temps un peu pourri, hein, des nuages, de la pluie, des nuages. Et ça, ça va être toute la semaine, je vous le disais. Coucou à Béatrice aussi qui vient d'arriver sur Orléans. Salut Francky, belle journée à toi. Plaisir de te retrouver. Bah oui, moi aussi. Eh ouais, après une semaine d'absence, eh bien voilà, Francky is back. Bandi à la planète, 7h08 avec avant tout la Cuando Volveras. Une belle journée et bon réveil. Muchacho, muchacho, accompagne-moi. 96 FM, c'est la fréquence qu'il vous faut. Aujourd'hui, ce 25 avril, si je me trompe pas, bah oui, on est bien. Et puis on n'oublie pas, le 25 avril 1974, on célèbre la révolution des ayés et la chute de la dictature au Portugal. Voilà, pour vous rappeler cette belle date, le 25 avril 1974. Plein de douceur ce matin pour vous réveiller avec Kalema sur Aller Arc-en-Ciel. Et on s'est perdu dans la brume. Je pourrais mourir ici, mourir pour ces caresses. Une dernière et après j'arrête. Le soleil viendra après l'averse. Je n'ai que des souvenirs. Oh mi amore, je voulais qu'on danse, qu'on danse sur les toits du monde. Y'a ton fantôme qui me suit dans les hôtels, dans les suites. Je suis le roi dans un royaume vide. Oh oui, j'ai le cœur qui s'effrite. Ça nous fait du bien. Kalema, Tiamo, heureux d'être là. C'est Francky dans la radio. Angie qui est là, Olivier qui est là, Zizir la famille, Marc aussi qui est là. Salut la famille, belle journée à toi mon Francky. Belle journée. Si vous arrivez du côté d'Orléans, bah vous êtes peut-être en mode vacances, ou là vous allez bosser, vous voulez laisser un message. 02 38 43 48 00. Mon pote Grégoire, c'est quand? Bah c'est tout de suite. On vous souhaite une bonne matinée un peu nuageuse, pluvieuse, mais le soleil est bientôt rendez-vous. C'est Francky dans la radio et on est là jusqu'à 9h. Allez viens, on se casse, c'est quand la douceur de tes bras chauds, c'est quand la chaleur de tes lèvres sur ma peau, c'est quand t'arrives, dans combien de temps, c'est quand t'arrives et que tu me dis allez viens, viens maintenant c'est le moment, dis-moi c'est quand. Cette rengaine imbécile de mon cœur en vacances, c'est quand tu m'emmènes, c'est quand le départ, c'est quand qu'on se promène sur une plage à la tombée du soir, c'est quand tu décides, c'est quand que tu oses, c'est quand on le sublime, nos deux corps enlacés sur des pétales de rose, c'est quand je veux y croire, c'est quand tu m'enlèves. la main et que tu me dis, allez viens on se casse. C'est quand la douceur de tes bras chauds, c'est quand la chaleur de tes lèvres sur ma peau, c'est quand t'arrives. Sur l'arc-en-ciel avec Grégoire Sécan. Bah, c'est tout de suite, on vous souhaite une belle journée. On est en direct comme tous les matins, 96.2 FM, c'est la fréquence qu'il vous faut pour vous réveiller avec le meilleur de la musique, le meilleur des souvenirs aussi. Côté ciel, je vous dis, c'est assez nuageux ce matin, on est pas mal. Hein. Clock Robin, One Heart is Weak. Belle journée, bon courage si vous allez bosser, c'est ce que me dit Sophie. Ça y est, Francky, moi je commence le taf dans 10 minutes. Belle journée à toi, plein de bisous. Bah, plein de bisous aussi à vous. Orléans, 96.2 FM. Surely it's not the end. I've only meant to make my emotions clear. You wear it too much, it's understood. Should we be seen as friends? Seems like a real good beginning, right? Cause when your heart is weak, I'm gonna pick the lock on you. 7h du matin, c'est Francky sur Radio Arc-en-Ciel. T'as tout bien, tout en bien, t'as tout bien. Vamos ver si tout a bien. Ben, ben, ben, ben, ben, ben, ben. Qui sort en équipe, avenue Montaigne, François 1er. Je suis avec ma go en fourraillé au cas où faudrait simplifier. Quand tu pilotes un prototype, faut assumer. Elle est tellement douce, obligée de faire dans la durée. Avec elle, c'est le marathon. Avec elle, pas de baratin. Bang, bang, bang. Si tu traînes dans un baratin, tu traînes dans un baratin. Mamma fiosa, mamma fiosa. Assim você me mata. Et là que je parle au portugais, mon amour commence à se mesurer. Elle me rend fou, je suis torturé. Je pense qu'elle a su très censuré. Eu tô bem. On va le cacher à tous mes potes qui rentraient. On est 50 motherfuckers. Ouais, ce soir on est 50 et on est 50 motherfuckers. Ouais, ce soir on est 50. Eu tô bem. C'est à deux qu'on fait le ménage. Samba, samba, samba. É uma rocânia brasileira. Se mexer com meu marido, vai levar peixeira. Ele tá aqui comigo, aqui no RDV. Não vem brincar comigo, porque eu sou uma brasileira. Eita, eu tô bem. Tout va bien pour elle. Et ma Fioza, Radio Arc-en-Ciel, 7h09, c'est Francky dans la radio, 7h26, on est heureux de vous retrouver. Coucou à Pascal qui vient de se connecter du côté d'Orléans. Et la météo pour aujourd'hui, c'est pas terrible du tout. Hein. La météo. Et oui, le ciel est assez chargé, nuageux, et cela pour toute la semaine. Les températures relevées du jour, 5 à 6 degrés, on devrait dépasser les 11 voire 12 degrés. La journée la plus chaude, ça sera samedi, avec des températures qui vont avoisiner quand même les 20-21 degrés, mais la pluie fera son retour, et ça pour samedi, week-end assez pluvieux et nuageux malheureusement, avec un long week-end avant d'attaquer, bah oui, le 1er mai, la fête du travail. Ouais, vous allez pouvoir vous reposer le lundi, tranquille, tranquille, personne ne devrait travailler, à part les urgences, hein, les policiers, les pompiers, les urgentistes, etc. On leur passe le bonjour. Coucou à Karine qui vient de se connecter du côté d'Orléans. Salut Francky. Belle journée. 8h le taf pour moi à Saran. Belle journée avec un peu de kizomba pour t'emmener à la porte du bureau ce matin. Badoxa sera l'arc-en-ciel. Non tenga miedo de mi agarra. Toque mi, mi aperta. Mi amasa. Así no da to a gustar. Non consigo me contar. Não tenha medo de me agarrar. para sério. Gostando tanto, chega mais perto. Garra desse jeito, meio atrevido. Sabes que eu gosto do teu jeito. Pra mim tudo é perfeito. Ce matin pour vous réveiller sur Orléans 96.2 FM, merci de là, merci d'être aussi nombreux, ça me fait plaisir de vous retrouver, c'est ce que me dit Edouard. Salut Francky, belle journée à toi. Tourcoing, micro de radar en ciel, bah oui moi aussi. Et puis Bob Sinclair qui fait son grand retour avec cette reprise de Organize, Never Know You Love Like This Before, et on adore. Voici le nouveau Bob Sinclair sur Radar en ciel. Jamais, non, jamais, non, jamais. Queens avec Bob Sinclair. Never Know You Love Like It's Before. Vous vous rappelez du groupe Organize dans les années 2000. Ah, ils avaient cartonné, hein, toujours là les mecs. Et justement une belle reprise que vous adorez. C'est ce que me dit Pascal. Salut Francky, super reprise de Bob Sinclair. On adore. Let the music players. Histoire de bien vous réveiller ce matin. 96.2 FM. Bandia, la planète et la famille. Voici Monsieur Barry White. Le matin sur l'arc-en-ciel, moins de blabla, plus de musique et pas de pub, et ça fait du bien pour aller au boulot. C'est ce que me dit Doudou. Salut Doudou, belle journée à toi, courage. Il commence le taf à 8h. Laissez-moi vos messages. André qui souhaite un bon anniversaire à son fils qui a 21 ans aujourd'hui. Bon anniversaire Jason, bon anniversaire mon Jason, 21 ans, ça se fête, en plus c'est les vacances scolaires. Bah bonnes vacances, hein, restez encore une petite semaine chez nous, vous l'aimez. C'est une belle reprise de Vianney, Je m'en vais, c'est sur l'arc-en-ciel. Un sac à dos pour m'oublier, car avant c'est toi qui me pesais. Ce qui m'emmène, ce qui m'entraîne, c'est ma peine plus que là. Ou ma route, ou ma plaine. Oh, Dieu que je l'aime. Et tourne, tourne dans ma tête, les images du long métrage. Où tu es belle et moi la bête, et la belle n'est jamais sage. Quand tu diras que c'est ma faute, je n'ai jamais su t'aimer. Au diable toi et tes apôtres. Sage, 9h, votre réveil matin, c'est Francky. Dis-moi que si tu es là, ce n'est pas juste pour mes jolis yeux. Dis-moi qu'au-delà de ça, il y a d'autres raisons qui te rendent heureux. Dis-moi si tu aimes bien nos paresses et nos matins d'amoureux. Dis-moi que c'est un début, mais que tu vois déjà la suite à deux. C'est une bonne balade le matin comme ça pour aller au boulot, ça ira. Bah oui, ça ira si vous allez au taf, ça va aller ce matin. Si vous êtes en vacances, c'est encore mieux. Si vous venez de vous réveiller, on est en direct ce matin, 96.2 FM. Merci d'être dans la radio, ça me fait plaisir de vous retrouver tous les matins, 7h-9h. C'est Francky dans la radio avec le nouveau David Guetta sur Aller Arc-en-Ciel. Business. Oh my. my body, he giving me kisses. I'm wet when I'm wet, I'm a popper like Adderall. Baby, dive in my beach and go swimming. Let's go deep, cause you know there's no limits. Nothing stronger than you when I'm sipping. I'm still gonna finish, I'm drunk, I ain't had enough. Ça sort du four, hein. Ça sort de ce matin, le nouveau David Guetta remixé What is Love 2023 à la reprise de Hadaway. C'est comme dit Edouard, ouais, Doudou, t'as gagné le droit de l'écouter tout à l'heure encore avant 9h. Le tout nouveau David Guetta sur Ada Princelle. Belle reprise d'Hadaway 1990. Salut Soso, bonne journée à toi aussi. Tu vas au taf ce matin. Elle commence à 8h. Bon courage à vous si vous êtes en au taf là. Vous allez peut-être au bureau ce matin sur le chantier. Bandi à la planète encore si vous êtes du côté d'Orléans. Et puis bah bonnes vacances pour ceux qui sont encore en vacances. On nous écoute aussi au Portugal. Ça me fait plaisir. Mathieu qui est au Portugal. Salut Francky, belle journée à toi. Belle journée mon Francky. Bah merci mon ami. Belle journée du côté du Portugal. Si vous venez de vous réveiller sur le net, vous nous écoutez 96.2 FM en voiture. Elle m'a rendu la musique à 7h48 minutes avec Camaleon. Il y a 8 ans déjà, ça passe. Hein. No. Bah si, moi j'ai dit si. Direction du Brésil avec celui qui nous a adoré, Kevino, le petit remix de Oh Baby, Oh Baby. Belle journée et bon réveil sur le 96.2 FM. Fiz um corre pra ti.

Quelle baila! Bah, j'adore ça, ça fait du bien, Kalema, aux oreilles, comme ça, le matin, pour vous emmener au bureau, peut-être, au boulot, ou alors en mode vacances, vous emmenez les enfants à garder, bah, il faut bosser, et du coup, pas trouver nounou, hein. En tout cas, on vous souhaite une belle matinée. 8h, sur Alain Pensiel, Alicia Keys, No One. Soleil dès 7h avec Francky. 7h-9h, Francky au réveil sur Radio Arc-en-Ciel. Arc-en-Ciel. Vida do povo, meu. Já são 7 horas, estou atrasado. Para ganhar notas, estou desesperado. Eu sempre ouvi dizer: não há nada sem trabalho à demora. Nunca é pecado, chegou a hora. Já estou cansado. Eu vou agradecer. Já chegou a hora, vamos lá dançar.

chaque matin. Tu fais de ma vie un paradis. Météo. Allez, à Conseil 96 de FM, la météo. Aujourd'hui, le ciel est assez nuageux et très couvert. De la pluie est tombée ce matin. Une semaine toute nuageuse avec le retour de la pluie samedi. Les températures relevées du jour, 5 degrés. On devrait dépasser les 12 voire 13 degrés. La journée la plus chaude, ça sera samedi avec malheureusement de la pluie. Et puis des nouveautés ce matin pour bien vous réveiller. Le son d'Ozuna et Maître Gims avec Mirage. Salir, la vida aún te brinda deseos de vivir. Me voy a enamorar, no me importa tu edad. Yo quiero estar contigo en Alemania en madrugada. No puedo darte una cartera, pero vamos a cenar. Que nos concentremos, apagamos el celular. Me invitaste a pecar, estamos pensando igual. Estamos pasando bien, yo deslizándote del mal. Cuidando todo de mí. Dime por qué tú eres así. Sé que todo es la palabra, pero se la quiere el viento. Ci vedi in me, sono un tipo della street e non mi sento a mio agio dentro a questi posti chic. Noi in camera d'hotel che stiamo fumando weed in tutte le posizioni che facciamo tripla X. Devi io scegliere te in mezzo a tutte ste bitch per portarti in posti che hai visto solamente in TV. Però mi vogliono a terra e se finirà così non ci sarà nessun lieto fine per il nostro film. No, no, no, no, no, esplode la testa. No, no, no, no, quello che fa il gangsta. No, no, no. Una chiamata e non è più qui. J'ai cru voir une image. J'ai cru voir. Encore une fois, je vois que t'es pas là, tu m'as pris pour une môme. Une môme à qui on dit, regarde comme le monde est beau. Tu joues avec les mots parce que j'ai pas trop d'ego. Mais ne pense pas que tout peut se tenir par la force. Avec le temps, j'ai pris des rides, évité des mines. Pour ton attention, j'aurais traversé le Nil. Pour toi, jamais rien ne va. Passe toujours pour une folle, pas là pour ton zéyo. T'as toujours pas capté. Ah, t'es responsable de tous mes maux. Ah, au début, tout était beau. Ah, baby, baby, il est là. J'ai cru voir une image. J'ai cru voir. Votre réveil matin, c'est Francky. everything I do. I only think of you. A universal language that's understood. Please let me know exactly what you want. So baby, if you feel it, speak it to me, speak it to me. Les années 2000 avec Lady Easy Love, c'était dans la bande originale de La Vérité si je mens, hein. Heureux d'être là, c'est Francky dans la radio. Coucou à José qui est là, coucou à Carlos du côté d'Orléans. Salut, belle journée à toi mon Francky. Bah ouais, merci mon Carlos. Le nouveau Charlie Black avec Sean Paul. Yeah. ton rayon de soleil dès 7h du matin, c'est Francky sur Radio Arc-en-Ciel. Mamacita, mamacita, qué bonita, mamacita. Mamacita, mamacita, qué bonita, mamacita. Ella no le baja nunca tumba, siempre anda lista para la rumba. Dos amigas que la secundan. Mamacita, qué bonita, mamacita. Dame eso, dame beso, dame tu corazón, dame cuerpo. Mommy, when you give me body, I won't let go. You the best, baby, yep, you special. Damn, baby, I want what you got. First time I seen you, I'm like, who that? Dame dulce, dame azúcar. I do what you say, vamos a bailar. Cause I like the way you move like this. I like the way you wind up your hips. I like the way you grind and twist it. Hot damn, baby, you got me lit. When you put me in the mix, put me in the mix, put me in the, put me in the, put me in the mix. I'ma put you in the mix, put you in the mix, put you in the, put you in the, put you in the mix. Mamacita, qué bonita, mamacita. Put me in the mix, put me in your vida. Put me on top, put me arriba. Put me in, put me in, put me in between ya. Mami got the fire and I got the gasolina. 8h27 minutes en direct sur la console 96.2 FM. Merci d'être là, Edouarda. Salut Francky, merci d'être de retour. Ça me fait plaisir d'entendre ta belle voix. Merci Edouarda. En tout cas, belle journée. 96.2 FM, on vous réveille le matin et ça me fait vraiment plaisir de vous retrouver aujourd'hui. Côté ciel, c'est assez nuageux. On devrait pas dépasser les 12 degrés et pas de soleil malheureusement, mais pas de pluie au programme. Il est tombé un peu de pluie cette nuit, mais ça devrait se calmer aujourd'hui et toute la semaine, ça va être nuageux. Le son de Larissa. C'est le tout nouveau, tout de bang. Voici Larissa sur l'arc-en-ciel. ¿Qué? Reggaetón, pero no soy de Puerto Rico. Tu gabarre siempre mi mente de ru amigo. Lefty mao lefto, fa passi día de festa. Hola, tudo bem, una quinoa y su sua rompeza. Movimento sexy, mãozinha na cabeza, tudo bem. À l'antenne, appelle le 02 38 43 48 00. 7h, 9h, votre réveil matin, c'est Francky. Bébé, faudrait rentrer, tu vois. Je suis en mal d'être avec toi. La machine à café détraquée, des cendriers tous renversés. Des heures passées devant l'avenir de ma télé. Des nuits sans dormir à me demander où tu peux bien aller. ciel, ta radio soleil, dès 7h avec Francky. 7h-9h, Francky au réveil sur Radio Arc-en-Ciel. Arc-en-Ciel. Le nouveau collectif métissé, ce chant louange composé en 2009 au Cameroun, qui est devenu en France, ça y est, un gros carton dans les clubs, dans les radios. Comment ne pas te louer en exclusivité, le nouveau collectif métissé. Belle journée, bon réveil bondé à la planète. On est en direct jusqu'à 9h, c'est Francky de la radio. El Rayos del Sol, Daddy Yankee, Doula, Doula. Belle journée sur Radio Arc-en-Ciel, Orléans 96.2 FM. 7h-9h, Francky au réveil sur Radio Arc-en-Ciel. Arc-en-Ciel. Un bonjour à l'antenne ? Appelle le 02 38 43 48 00. Quando ela passa para a ponte e para o corpo dela. Tu serás a estrela, mas não venha só, me remexe só. Desse jeito, moça, vai me fazer se matar. Calma, sur Radio Arc-en-Ciel, un peu de douceur, ça fait du bien ce matin en pleine vacances, peut-être pour vous. On vous souhaite une très très bonne matinée jusqu'à 9h, c'est Francky dans la radio. Ton rayon de soleil dès 7h du matin, c'est Francky sur Radio Arc-en-Ciel. Et puis aujourd'hui, c'est le 25 avril et on n'oublie pas le 25 avril 1974, on célèbre la révolution des œillets et la chute de la dictature au Portugal. La belle journée sur la radio couleur 96.2 FM. 7h-9h, Francky au réveil sur Radio Arc-en-Ciel. Arc-en-Ciel. guitare là. Allez, passez-moi une guitare. On va être avec vous, Francky, dans la radio. Los Famos, quel souvenir, le film La Bamba. Pour ceux qui l'ont pas vu, bah, il meurt à la fin. Bah ouais, tant pis pour vous, hein. Bob Sinclair qui revient en force avec cette belle reprise d'Organize et vous adorez déjà. I never know you love like this before. Voici le tout nouveau Bob Sinclair. C'est une bombe, c'est une tuerie et on adore sur Alert en Ciel. Bob Sinclair, la reprise d'Organize. Bob Sinclair, la reprise d'Organize, I never know you love like this before. Je peux vous dire, ça va bouger ce week-end dans les clubs avec son nouveau son Bob. Bobby, hey, qui est à Miami en ce moment. Bah ouais, tranquille, hein, club Med. Ça fait du bien de se reposer un petit peu aussi. Le collectif métissé qui arrive et puis Manu dans la radio. 7h-9h, Francky au réveil sur Radio Arc-en-Ciel. Arc-en-Ciel. 7h-9h, on va s'aimer, on va chanter, on va danser toute la nuit, toute la journée aussi. Peut-être vous, de côté de la radio. On vous souhaite une bonne matinée, Francky dans la radio, jusqu'à 9h. La météo. La météo pour ce matin, le ciel est assez nuageux, d'ailleurs ça va durer, perdurer toute la semaine comme ça. Des nuages, encore des nuages, au programme pas de pluie pour le moment prévu au programme, des températures plutôt clémentes ce matin, 6-7 degrés au lever du jour, on devrait dépasser les 12 voire 13 degrés. La journée la plus chaude, ça sera samedi, la pluie sera de retour malheureusement, elle est de retour aussi. La reprise d'Accéléré de Sensualité sera la française version 2023. Un instant, on adore sur l'arc-en-ciel. Axel Red, Bandi à la planète, si vous êtes arrivé du côté d'Orléans, on vous souhaite une très très bonne matinée. On est là jusqu'à 9h, tranquille dans la radio, en direct. Ça fait plaisir de vous retrouver ce matin. Et la mante, Nikki Yam. Te digo de mi parte que no aguanto más. Ya no aguanto ver el otro como dice que es el dueño tuyo. Me mata el orgullo. Él ni te sabe hablar. Esta la hice pa' él. Cuando la escuche quiero estar ahí para ver. Cuando se entere y sepa que soy dueño de usted. Tal vez suene un poco mal, lo sé, y no me luce. Todo es por usted. Mami, yo me siento tuyo. Yo sé que no te sientes. ¿Quién te da calor?